Même mon Dieu Bam qui pourra venir délivrer m'là. C'est lui-même qui pourra venir délivrer. Délivrer tout l'autre monde qui est en difficulté. Famille ou nan prison pendant gen raison. Délivrance ou pas loin pour venir. Ou senti ou découragé ou peste quitté. Délivrance ou pas loin pour venir. Problème tout côté ou passé, tout monde humilié. Presque perdu la foi, ou même sans espoir. Délivrance ou pas loin pour venir. Mon Dieu, non. Mon Dieu, ma chérie, qui va délivrer. Délivrer. Mon Dieu, ma chérie, qui va délivrer. Délivrer. Seul monde pour plein bal. C'est bon Dieu parole. Plein. Mélodie pour Seigneur. Bon Dieu content. Ouvert de bois, oui, Seigneur. Présentez problème ou yo. Justice pour le fini. Innocent. La misère pour le fini. Malheureux. Pas qu'un problème, docteur. Maladio. Pour quelqu'un en pile. Pour ça, on qui pis mal, yo. Surtout pour ça, on qui sans défense, yo.